tenait un punk en détresse qui mendiait au Forum des Halles pour se payer une coupe à 500 balles. J'ai donné, faut aider la jeunesse. J'ai donné un Africain qui mendiait dans une gare à Paris pour se payer un retour au pays. Dis mon frère, je suis pas qu'un. J'ai donné un John Kimber qui mendiait au métro de Barbès pour se payer un petit moment à l'aise. Faut pas laisser un beurre en pleurs. Qui fait les dons, c'est ma pomme. Quand il les dons, quand il les donne. Qui te les donne, c'est ma poire. Pour te donner un peu d'espoir. J'ai même donné un riche chanteur qui mendiait à la télé du pognon pour ceux qui n'ont pas de maison, pour abriter les gens dans le malheur. J'ai donné à mon percepteur qui mendiait pour la République de quoi payer les services publics. Pour les fonctionnaires, messieurs, mesdames, à votre banqueur. J'ai donné au pauvre gréviste qui mendiait autour de moi pour se payer une fin de mois. Faut aider, faut pas être égoïste. Qui fait les dons, c'est ma pomme. Quand tu les dons, quand tu les donnes. Qui te les donne, c'est ma poire, pour te filer un peu d'espoir. Car mon patron m'avait viré pour assainir sa société où j'étais depuis 20 ans employé. Alors j'ai demandé t'as pas 100 balles au punk des Halles qui m'a dit le coiffeur a augmenté, vieux con t'achètes des merdés. Alors j'ai été demandé un peu de blé au chanteur de la télé qui m'a dit moi maintenant j'ai assez de pubs pour lancer mon prochain tube. Qui fait les dons, c'est ma pomme. Quand tu les donnes, quand tu les donnes. Qui te les donne, c'est ma poire. Pour te donner un peu d'espoir. Je me suis assis devant une gare pour attendre un frère africain qui ne s'appellerait pas qu'un. Comme j'attendais tendant la main, j'ai vu venir un mec ordinaire qui me ressemblait un petit peu au loin et qui m'a dit d'un air pépère. J'ai déjà donné à un grand chanteur, j'ai donné à un junkie beurre, j'ai donné à un black en pleurs, tu vois j'ai même donné à mon percepteur. J'ai donné à un punk des Halles, alors pourquoi pas donner 100 balles. Un mec normal à l'air hagard qui fait la manche devant une gare. Qui fait les dons, c'est ma pomme. Quand il les donne, quand il les donne. Qui te les donne, c'est ma poire pour te filer un peu d'espoir.